est-il vraiment devenu ce que l'on appelle désormais un narco-État, c'est-à-dire un État dont l'économie et le système politique dépendent étroitement de la production et du commerce de la drogue. Je veux parler de l'Afghanistan dont M. X m'a entretenu la semaine passée. L'Afghanistan où la culture du pavot était traditionnelle, mais qui ne produisait avant l'invasion soviétique de 1979 que de petites quantités d'opium. Mais la guerre va tout changer. Pour financer leur combat contre l'armée rouge, les seigneurs de la guerre afghane vont se lancer dans une production à plus grande échelle. Ils y sont encouragés par les services secrets pakistanais, mais aussi états-uniens, dont le premier objectif est l'affaiblissement de l'URSS. C'est ainsi, par exemple, que la CIA initiera un programme d'approvisionnement en héroïne des soldats soviétiques. Toutefois, lorsqu'une machine est lancée, il est difficile de l'arrêter. Il en est ainsi de la production de drogue qui va exploser dès la fin de cette guerre de 10 ans, ne serait-ce que parce que, ne disposant plus de l'aide financière de la CIA, les seigneurs de la guerre utilisent dorénavant l'argent de l'opium pour continuer à payer leurs milices. Suit une période chaotique où les différents clans se disputent le pouvoir, jusqu'à l'arrivée des talibans. En 1995, ces étudiants en religion, comme ils se nomment eux-mêmes, s'emparent de Kaboul et d'une grande partie du pays, à l'exception des provinces du Nord. Dans leur conquête du pouvoir, ils ont été puissamment aidés par l'Arabie Saoudite, le Pakistan, mais aussi par les États-Unis. Ces musulmans fondamentalistes offrent en effet la possibilité d'installer en Afghanistan un régime stable, une condition nécessaire pour faire passer à travers le pays un gazoduc permettant l'exploitation des fabuleuses réserves de gaz du Turkménistan. Toutefois, Washington ne va pas tarder à déchanter. Non seulement les talibans imposent un régime archaïque et réactionnaire, unanimement décrié, mais dans leur bagage se trouve un certain Ben Laden. Autre inquiétude, la drogue. Les talibans vont-ils, à l'imitation de leurs prédécesseurs, se servir de l'argent de l'opium? Dans un instant, la suite du récit de M. X. Un chiffre d'abord. Un champ de pavot se rapporte 3 fois plus qu'un champ de blé. C'est une donnée qu'il ne faut quand même pas oublier. Mais même les talibans, qui sont par principe opposés à la culture du pavot, doivent en tenir compte. Aussi ne font-ils rien pour éradiquer cette considérable production d'opium, au moins dans un premier temps. C'est du réalisme, ça. Hein. Et il est préférable d'importer du blé pour nourrir la population, pourtant. Une population grossie par les centaines de milliers de réfugiés revenus au pays à la fin de la guerre. Ouais. Est-ce que ça veut dire, ça, que les talibans, malgré l'affirmation de leur pureté idéologique et religieuse, vont profiter de l'argent de la drogue? Ils mettent au point un système parfaitement hypocrite. D'abord, ils proscrivent formellement la consommation de drogue, y compris le hashish, à l'intérieur de l'Afghanistan. Mais ils n'interdisent pas la culture et l'exportation. Après tout, si les mécréants et les mauvais musulmans étrangers veulent se droguer, c'est leur problème. Mieux, ils vont officiellement taxer la production. Donc la contrôler. En effet, sous couvert du paiement de la zakat, une aumône que tout musulman doit acquitter. C'est même un des 5 piliers de l'islam. Hein. Parfaitement. Ouais. Donc les trafiquants doivent payer la zakat. Et ça équivaut à une taxe de 20% sur les chiffres d'affaires des trafiquants. Où va se cacher la religion, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais le paiement obligatoire de cette aumône ne suffit pas. Ce qui est un peu contradictoire, non? Parce que une aumône est d'habitude volontaire. Mais autrefois, chez nous, il y avait la dîme. Enfin, bon, n'ergotons pas, les talibans ajoutent à la zakat une autre taxe. 10% du prix de vente de la récolte ou 12,5% en nature. Un impôt que doit acquitter chaque propriétaire terrien cultivant du pavot. Mais si c'est payé en nature, attendez là, les talibans se font alors eux-mêmes trafiquants, car j'imagine qu'ils doivent ensuite revendre cet opium au laboratoire. Ah oui, c'est pourquoi je vous parlais d'hypocrisie. Ouais. Et tout ça alors, ça rapporte beaucoup d'argent? Les spécialistes estiment que les talibans ont ainsi engrangé au moins 40 millions de dollars par an. Ce qui, entre parenthèses, est peu de choses à côté des bénéfices engendrés par la revente de l'héroïne aux consommateurs. Mais dans un pays aussi misérable que l'Afghanistan, cet apport de devises fortes n'est pas négligeable. Toutefois, pour être tout à fait juste, il faut aussi dire que si les talibans tolèrent les cultures du pavot, c'est d'abord parce qu'ils craignent que leur éradication ne provoque des révoltes paysannes. Pourtant, m'avez-vous dit à la fin de notre entretien de la semaine passée, les talibans se sont résolus à lutter efficacement contre la production de drogue. C'est exact, en 2001. Et c'est très spectaculaire. La production, qui atteignait plus de 4000 tonnes par an, chute à 35 tonnes dans les zones contrôlées par les talibans. Alors, pourquoi ce revirement ? Je vais vous expliquer. Mais auparavant, une remarque. Bon, je ne vais pas défendre les talibans, mais il faut quand même observer que lorsqu'un gouvernement veut s'attaquer énergiquement à ce problème, il peut réussir. Oui. Alors, les raisons ? Il y a d'abord l'opinion mondiale. Les talibans viennent alors de dynamiter les fameux Bouddhas de Bamiyan. Et ils subissent de plein fouet la réprobation internationale. Et puis, il y a surtout le sort fait aux femmes. Hein. Bien entendu. Et en réduisant de façon aussi drastique la production d'opium, les talibans veulent incontestablement se refaire une beauté. D'ailleurs, ça leur vaudra une récompense. Les États-Unis leur accordent une aide humanitaire d'urgence de plusieurs dizaines de millions de dollars. Toujours en 2001. Hein. Mais quand même, avant les attentats du 11 septembre. Oui, quand même. Oui. Cependant, il y a peut-être une raison moins avouable qui explique pourquoi les talibans s'en sont pris aux cultures du pavot. Alors, c'est quoi ça ? Les trafiquants avaient accumulé des stocks très importants au cours des années précédentes. Et il devenait urgent d'écouler ces stocks afin de ne pas voir le prix de l'héroïne s'écrouler sur le marché international. Mmh. Alors si vous avez raison, ça j'en sais rien, mais les talibans auraient joué le jeu des trafiquants. C'est en effet possible, oui. Et notez-le bien, après cette année vertueuse, la production redémarrera en flèche en 2002. Oui, mais alors les talibans ne sont plus au pouvoir, là. Donc on ne peut pas leur imputer cette reprise de la production. C'est juste, oui. Enfin, désormais, c'est l'Alliance du Nord et la coalition principalement menée par les États-Unis qui sont aux manettes à Kaboul. Oui, l'opération Liberté Immuable. C'est ça. Et la chasse infructueuse pour essayer de mettre la main sur Ben Laden et le Mollah Omar. Enfin, revenons à notre sujet, la drogue en Afghanistan. Après l'interdiction décrétée par les talibans, c'est dans la province nord du Badakhshan que la production décolle. Une province contrôlée par l'Alliance du Nord. Mmh. Le parti de Massoud. Oui, et si, comme je vous l'ai dit, le lion du Panjshir, comme on l'appelait, a toujours été opposé au trafic de drogue, il n'en était pas de même chez d'autres membres de son organisation, et parfois même de très proches collaborateurs. Cette collusion avec les trafiquants a été si étroite qu'une trentaine de laboratoires de transformation ont vu le jour dans la décennie 90. Toujours dans cette province. Mmh. Et étant donné la situation géographique du Badakhshan, j'imagine que l'héroïne s'y fabriquait pour le chemin de l'Asie centrale. Naturellement. Puis de la Russie et de l'Europe de l'Est. Il existait des réseaux très bien structurés, mais poursuivons. Mais poursuivons. Assez vite, la coalition impose la nomination d'un président provisoire, un Pashtun, Hamid Karzai. Il faut remarquer que les Pashtuns forment l'ethnie dominante en Afghanistan. Hein. Et la plupart des talibans étaient des Pashtuns. Il faut aussi ajouter que ce président provisoire sera plus tard légitimé dans les urnes. Hein. Oui. Karzai, qui n'est pas sans talent, est forcément un homme des Américains. Oui, la coalition, car c'est les Américains qui l'ont porté au pouvoir. Hein. Et il a des atouts. Parent par alliance de l'ancien roi Zahir, c'est un chef de tribu, un notable, si vous voulez. Et s'il n'a pas combattu sur le terrain lors de la lutte contre l'armée rouge, il a aidé matériellement les moudjahidines en leur envoyant de l'argent ou des armes, par exemple. Et plus tard, ce religieux plutôt conservateur a mené un véritable travail de sape contre les talibans. Mais il faut dire qu'il avait de bonnes raisons pour cela. Les talibans ont en effet commandité l'assassinat de son père. En tout cas, ce point mis à part, là, vous pensez que le choix de Karzai était plutôt habile ? Incontestablement. Mais avez-vous dit, c'est un homme des Américains ? Ce n'est pas forcément péjoratif. Non, plus sérieusement, cet homme qui a exercé des fonctions ministérielles au lendemain de la chute du gouvernement communiste a été le consultant de l'une de ces compagnies états-uniennes, désireuse de construire le TAP, le fameux gazoduc. Turkménistan, bien sûr, Afghanistan, Pakistan. Certains sont même allés plus loin et l'ont soupçonné d'être carrément de mèche avec la CIA. Un agent ? Disons plutôt un ami. Ah oui. Sous la présidence de Ronald Reagan, Karzai était très lié au patron de la CIA, William Casey. C'est aussi un proche de la famille Bush et en particulier de Bush Senior, qui a été lui aussi un dirigeant de la CIA. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est à l'instigation des États-Unis qu'il proclame au début de l'année 2002 l'interdiction de la culture, de la vente et du commerce de la drogue. Ça, c'est courageux, hein ? Certainement. Mais encore faut-il être capable de la faire respecter. Et là, c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Alors, voyons cela de plus près. Pour réaliser cet objectif ambitieux, les alliés de la coalition mettent en place un grand plan international doté de quelques 20 millions de dollars. Et ce sont les Britanniques qui sont chargés de le piloter. Mais pratiquement, qu'est-il envisagé ? Eh bien, le plan consiste d'abord à offrir des compensations financières à tous les paysans qui voudront bien détruire leur production. Et ne pas ressemer, j'imagine. Bien sûr. Ouais. Et combien leur offre-t-on, alors ? 1 250 $ par hectare. Une somme qui n'est pas négligeable. Hein, et pourtant, beaucoup de paysans refusent l'offre. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'ils gagnent plus en cultivant du pavot ? Ça me paraît logique. Alors, on augmente la somme, sans grand succès. C'est donc qu'il y a autre chose. Qui est véritablement le président Hamid Karzai. Dans son ouvrage de référence, Afghanistan, opium de paix, opium de guerre, le sociologue et journaliste Alain Labrousse donne les précisions suivantes. Au sein des rapports de forces complexes, internes et externes, qui détermineront le futur de l'Afghanistan, le président Hamid Karzai joue un rôle particulièrement important. Non parce que ce serait un homme à la personnalité et au charisme exceptionnel. S'il n'est pas irremplaçable non plus, il est pour l'instant l'homme de la situation. Hamid Karzai appartient à une lignée pachtoune prestigieuse et le clan dont il est le chef compte plusieurs centaines de milliers de personnes. Mais n'ayant pas été durant la résistance le leader d'un parti qui aurait été le bras politique de ce clan, Karzai ne représente pas une force politico-militaire dont il pourrait être l'otage et que pourraient redouter ses alliés. Il n'a pas participé directement au djihad et n'est donc pas aux yeux de la population lié aux exactions des moudjahidines, tout en ayant suffisamment contribué à la lutte pour ne pas être considéré comme un attentiste. S'il a été un temps proche des talibans, c'est d'une part de leurs éléments les plus modérés et d'autre part il s'en est éloigné assez tôt pour ne pas être atteint par l'opprobre qui s'est abattu sur eux. Cela lui vaut depuis 2001 la neutralité bienveillante des secteurs légalistes les plus conservateurs en Afghanistan, sans lui aliéner l'appui des modérés. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher les paysans afghans d'accepter ces offres plutôt alléchantes, hein ? Un mot peut-être avant de vous répondre. À plusieurs reprises, ces groupes anti-drogue qui prêchent la bonne parole et promettent des compensations financières substantielles aux paysans sont attaqués par les hommes armés. Ah oui, je commence à comprendre. Dans d'autres cas, les cultivateurs de pavots acceptent l'argent, mais ils ne font rien pour détruire leur culture. On observe aussi des manifestations hostiles à cette campagne anti-drogue, des manifestations qui ne sont pas tout à fait spontanées. Oui, voilà, ces paysans subissent donc des pressions. Ça me paraît évident. Et les coupables, ce sont les trafiquants et surtout ces seigneurs de la guerre qui ne sont pas prêts à renoncer aux gains fabuleux du commerce de l'opium. Et ces hommes qui exercent une sorte de pouvoir féodal sur les paysans se sont d'autant plus sûrs d'eux qu'ils appartiennent presque tous au gouvernement du président Karzai. Mmh. Des ministres ou des gouverneurs, ils sont tous là. Et ça se comprend. Les Américains mentors du président Karzai lui ont demandé de prendre dans son gouvernement ou de confier de très hauts postes à ces seigneurs de la guerre qui sont tout puissants dans leurs fiefs respectifs. Afin de mettre un terme aux conflits locaux. Et de montrer un semblant d'unité dans la volonté de reconstruire le pays. Ouais. Et puis aussi de faire face à un éventuel sursaut des talibans. Seul, parmi ces seigneurs de la guerre, manque à l'appel le féroce Gulbuddin Hekmatyar, qui a toujours été très proche des talibans. Mais des membres de son parti sont représentés dans ce gouvernement de coalition. Alors, on y trouve les Dostum, Nourzaï, Nakib, etc. Tous des seigneurs de la guerre qui disposent de leur propre milice et vivent du trafic de la drogue. Dans ces conditions, ça me paraît difficile d'éradiquer le trafic. Hein. Ben, naturellement, mais Karzai pense, non sans raison, que s'il veut éviter l'éclatement d'une nouvelle guerre civile, la paix est à ce prix, d'autant que certains de ces seigneurs de la guerre vont être requis pour combattre ce qui reste des forces des talibans. Ainsi, Hazrat Ali, nommé chef d'une police provinciale. C'est sa milice, grosse de 18 000 hommes, qui va être chargée de traquer Ben Laden dans les montagnes de Tora Bora. En contrepartie, on ferme les yeux sur ce trafic illicite. Ouais, donnant, quoi. Ouais, mais on peut nourrir des doutes sur l'efficacité de son action. Ben Laden a certainement bénéficié de complicité pour pouvoir échapper à toutes les forces liguées contre lui. Autre exemple, encore plus caricatural, celui de Mohammad Daoud. Ouais. Qui c'est celui-là ? Ce général de l'Alliance du Nord a été une sorte de trésorier pour le commandant Massoud. Il a exercé les fonctions de gouverneur dans la province du Badakhshan. Ouais, au lieu de la production de drogue, m'avez-vous dit. Hein. Et c'est Daoud lui-même qui a supervisé le trafic. Il s'est même servi de ses gains pour financer la lutte contre les talibans. Lorsque ces derniers sont chassés de Kaboul, on retrouve Daoud à un poste prestigieux. Il est directeur adjoint du ministère de l'Intérieur. Et ne souriez pas, car il est en charge de la lutte antidrogue. Remarquez, il est pas mal placé pour occuper cette fonction. Après tout, le bagnard Vidocq a fini par faire un excellent policier. Hein. Si vous voulez, quoi qu'il en soit, ce seigneur de la guerre, tout en protégeant le trafic dans son propre fief, le Badakhshan, va donc réprimer le trafic dans d'autres provinces. Ouais, après tout, ce sont des concurrents qu'il faut éliminer. On peut en effet voir les choses comme ça, mais je dois reconnaître qu'il aide aussi les forces américaines et surtout la CIA à éliminer les talibans qui se trouvent toujours au nord. Si je vous comprends bien, là, le poison se trouve donc au cœur du nouveau pouvoir. Hein. Et il paraît difficile de l'extirper. D'autant, disons-le, qu'il n'existe pas une vraie volonté de lutter contre la drogue. Alors la déclaration de Karzai au début 2002 là. Ben, le président afghan est peut-être sincère, mais il n'a pas les moyens de s'attaquer à cette grave question. Songez qu'en 2004, la production d'opium afghan atteindra 4000 tonnes, c'est-à-dire pratiquement 90% de la production mondiale. Alors si je comprends bien, on fait semblant quoi. Nous n'assurons pas, mais c'est vrai que ça y ressemble. Même si les Britanniques en particulier ne ménagent pas leurs efforts. Ils ont même obtenu la création d'un organisme interministériel de lutte contre la drogue. Et dans chaque unité de police, ils entraînent des hommes spécialisés dans ce combat. Mais rien n'y fait. Le gouvernement interdit, par exemple, les prêts bancaires aux paysans cultivant le pavot. Bon, bah, c'est bien le moins, non ? Certes. Toutefois, comme leurs dettes ne sont pas annulées, ces modestes agriculteurs demeurent sous la dépendance des trafiquants qui leur ont avancé de l'argent. Ouais, pour mieux avoir prise sur eux. Évidemment. Les récoltes sont gagées avant même d'avoir été semées. Il aurait donc difficile, sinon impossible, d'échapper à cette dépendance qui leur est imposée. Et les objectifs assignés par la coalition et le gouvernement de Karzai aux agents chargés de lutter contre la drogue semblent complètement irréalistes. Des objectifs chiffrés, non ? Il est envisagé de réduire la production de 70% en 2008 et d'obtenir une éradication totale en 2013. Or, il faut bien constater qu'année après année, le tonnage d'opium ne cesse de progresser. Pour 2006, on prévoit ainsi 4200 tonnes, 100 de plus qu'en 2005. Et les surfaces cultivées en pavot sont toujours plus nombreuses. Vous voulez quelques chiffres ? J'ai pris des notes en feuilletant un rapport des Nations Unies. Ouais, je vous écoute là. Ah, attendez. Les terres consacrées à la culture du pavot ont augmenté très exactement de 67%. D'autre part, un dixième de la population afghane vit de cette économie souterraine. Enfin, le commerce de la drogue représente 60% du PIB. Ouais, le produit intérieur brut. Hein. Mmh. Tout cela signifie que malgré la volonté affichée par Karzai, ça ne se concrétise pas sur le terrain. Parce qu'on ne veut pas s'en prendre au seigneur de la guerre. Et si Karzai s'efforce de limiter leur pouvoir politique, il les laisse libres d'agir à leur guise dans leur fief. C'est si vrai que les soldats de la coalition ont même reçu l'ordre de ne surtout pas s'intéresser à la question. Ainsi, on a vu des djihadistes traverser tranquillement des champs de pavots sans même songer à piétiner les plans. D'ailleurs, ces soldats avaient reçu une étrange consigne. Quoi ? S'ils rencontraient un champ de pavots, ils pouvaient le brûler. Ils pouvaient, mais ils n'étaient pas obligés. Et c'est bien la signification de cette consigne. Mm-hmm. Mais Karzai, peut-il alors agir autrement ? Non. Non, d'abord parce qu'il ne dispose pas de forces capables de réprimer les activités de ces potentats locaux. Ensuite, parce que la coalition a besoin de ces hommes. Les talibans redressent peu à peu la tête et, au nom de la sacro-sainte guerre contre le terrorisme, on est bien obligé de solliciter ces seigneurs de la guerre. Mmh. On, c'est bien sûr les États-Unis. Hein, les États-Unis qui ont pris soin de placer un homme à eux près de Karzai. Qui, là ? Un nommé Zame Khalilzad. Je vous le présente rapidement. Cet expert de la Rand Corporation, une boîte à idées très proche de la CIA, est un citoyen afghano-américain. Il a travaillé lui aussi avec l'une de ses compagnies pétrolières qui ambitionne de construire le gazoduc TAP. Mmh. Il a donc forcément rencontré Hamid Karzai. Ben, je le pense, en effet. Et justement, alors que les talibans doivent fuir Kaboul, Khalilzad est nommé ambassadeur des États-Unis. Il va donc accompagner les premiers pas de Karzai au pouvoir. Et politiquement, comment se situe-t-il ? C'est clairement un néo-conservateur, un protégé du vice-président Dick Cheney et des autres faucons de la Maison-Blanche. Mmh. Et il va avoir une grande influence sur Karzai ? L'Afghan de Bush, comme on l'appelle, se conduit en effet comme s'il était un président bis. Et il n'hésite jamais à faire des déclarations fracassantes montrant qu'il est le véritable détenteur du pouvoir. Karzai est donc sous tutelle ? Quasiment. Mais ça se passe plutôt bien entre les deux hommes qui dînent ensemble pratiquement tous les jours. Toutefois, ce lien de dépendance se relâchera en partie lorsque Khalilzad sera nommé à Bagdad. Mais il est certain que pendant plus de 2 ans, Karzai ne prendra aucune décision importante sans consulter son ami Khalilzad. Et je suis sûr qu'aujourd'hui encore, Le président afghan lui demande des conseils étonnés. Il est presque certain que c'est lui, Khalilzad, qui a suggéré à Karzai de refuser une proposition de l'homme chargé de la lutte anti-drogue aux États-Unis, le secrétaire d'État adjoint Bobby Charles. Et cette proposition hein? Des épandages de produits chimiques au-dessus des champs de pavots. Ouais, comme en Colombie pour les plantations de coca. Hein. Alors, reste à savoir pourquoi cette proposition d'éradication a été refusée sur la suggestion d'un homme au mieux avec la Maison Blanche. Hamid Karzai est un homme incontestablement honnête, tout le monde en convient. Mais il existe dans son entourage direct des gens liés au trafic de drogue, à commencer par son frère, selon certaines rumeurs. Je retourne vers l'ouvrage d'Alain Labrousse et j'y lis ceci. Des accusations d'origine diverses, reprises par la presse internationale, ont été portées à l'égard du frère du président Wali Karzai, riche commerçant de Kandahar, qui était également son porte-parole lors de la campagne présidentielle. Certaines sont de façon évidente, dictées par des rivalités politiques, ainsi celles qui proviennent de l'ex-chef de la police de Kandahar, Khan Mohammad, qui après avoir été déposé par le président s'est rallié à la candidature Younis Kanouni, originaire de la vallée du Panjshir. Khan Mohammad a prétendu que, à la suite de saisies d'héroïne, il avait reçu des appels du frère du président, lui demandant de lui rendre la marchandise qui lui appartenait. Accusation démentie par l'intéressé, qui n'y a vu qu'une manœuvre électorale. Selon d'autres sources, Wali Karzai aurait illégalement acquis des terrains dans le district de Daman, au sud de Kandahar, où un vaste projet de ville nouvelle a été mis en place par des investisseurs américains. Une partie de l'argent de la drogue devrait servir à financer cet ambitieux projet, avance un expert de Kandahar. Le livre d'Alain Labrousse, Afghanistan, opium de guerre, opium de paix, est paru chez Mille et Une Nuits. Pensez donc qu'à la Maison Blanche, on a voulu contrer l'initiative de ce Bobby Charles. Son projet d'épandage chimique. Mmh. Et pourtant, ce secrétaire d'État adjoint, directeur d'un bureau international de lutte contre la drogue, est naturellement un républicain bon temps. Oui, un supporter de Bush. Incontestablement, oui. Mais attendez, on s'est peut-être opposé à son projet pour des raisons écologiques. Hein. Un épandage chimique peut être dangereux pour les populations et le terrain. Certes, il faut tenir compte de cet aspect des choses. Mais entre nous, la Maison Blanche de George Bush Jr. n'a jamais fait grand cas de l'écologie. Mmh. Alors, avez-vous une autre explication hein? Oui, mais un peu de patience. Ah. Bobby Charles harcelait la Maison-Blanche et pressait Bush, le vice-président Dick Cheney, et Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, d'agir enfin efficacement contre cette production de drogue en progression continue. Car, non sans raison, il soutenait que la politique états-unienne en Afghanistan, qui avait jusque-là donné des résultats plutôt satisfaisant. C'est l'instauration d'un début de démocratie. Quoi. Oui, oui. Donc, il craignait que cette politique soit entachée par la question de la drogue qui devenait chaque jour plus préoccupante. Mais manifestement, il n'était pas entendu par la Maison Blanche. Et on lui a même fait comprendre qu'il commençait à devenir rasoir. Et ça, c'est arrivé à un moment où Bobby Charles s'y a vu plus clair. C'est-à-dire je vous explique. Dès la fuite des talibans, les Britanniques chargés sur le terrain de la lutte contre la culture du pavot et la drogue en général avaient effectué des repérages des principaux laboratoires de fabrication d'héroïne. Et ils avaient proposé de les bombarder. Mais, curieusement, les Américains, leaders de la coalition, s'y étaient opposés. Et avec quels arguments? Ils ne voulaient pas se brouiller avec les seigneurs de la guerre qui les avaient aidés à libérer le pays et dont ils pouvaient avoir besoin. Et puis, plus crûment, ils ont affirmé qu'ils étaient d'abord en Afghanistan pour combattre le terrorisme. Ah oui, donc pas pour lutter contre les trafiquants. Et en outre, c'était aussi l'époque de l'engagement américain en Irak. Et le Pentagone ne voulait pas disperser ses forces. Ouais. L'Irak était prioritaire. Oui, oui, un peu plus tard, au début 2004 exactement, les services de renseignement de l'armée ont pu obtenir des informations très précises sur la localisation des infrastructures des trafiquants, entrepôts de stockage, laboratoires, etc. Bobby Charles, qui a eu accès à ces renseignements, a estimé qu'une campagne aérienne de bombardement sur seulement une semaine permettrait de détruire ces installations et de porter un coup très dur au trafic. Mais, encore une fois, il s'est vu opposer un refus. Et un seul raid aérien a été autorisé. Ouais, c'est bien peu. Hein. Et ça ne pouvait que signifier une chose. À la Maison Blanche, où Rumsfeld faisait la pluie et le beau temps, on ne voulait pas ennuyer les seigneurs de la guerre. D'autant que les talibans, je vous l'ai dit, recommençaient à semer des troupes. D'où cette passivité. Hein. Mais c'était une politique de gribouille. C'est ce que Bobby Charles a découvert avec effarement. Car des agents de la CIA lui ont confié qu'une grande partie de l'argent de la vente de l'héroïne aboutissait vraisemblablement dans les caisses du parti islami. Oui, le parti de l'islam de Gulbuddin Hekmatyar. Un mouvement islamiste très proche des talibans et d'Al-Qaïda. Ça veut donc dire qu'en ne s'attaquant pas radicalement aux trafiquants de drogue, les Américains aidaient leurs pires ennemis. Ces terroristes que George Bush ne cesse de dénoncer dans tous ses discours. Et c'est malheureusement la vérité. Et Bobby Charles s'est cru autorisé à tirer le signal d'alarme. Ou à la Maison Blanche. Bien sûr. Mais comme les porteurs de mauvaises nouvelles sont rarement récompensés, Bobby Charles a fini par être viré au début de 2005 par le nouveau secrétaire d'État de Bush, Condoleezza Rice. Mais il ne pouvait pas rester durablement à son poste puisque son principal soutien à la Maison Blanche, Colin Powell, venait de quitter le gouvernement. Mais là, justement, je voudrais peut-être faire une nouvelle parenthèse. Mais je vous en prie. Mais... Une parenthèse qui montre le centre du pouvoir à Washington sous un curieux jour. En 2004, Colin Powell, briefé par Bobby Charles, a tenté de convaincre George Bush qu'il fallait absolument et résolument s'attaquer au problème de la drogue en Afghanistan. Et il a soutenu le projet de pulvérisation chimique de Charles. Résultat ? Eh bien, Bush a applaudi. Ah. Et selon Bobby Charles, qui a assisté à l'entretien, le président a même qualifié l'Afghanistan de narco-État. Il semblait donc conscient, là, de la gravité de la situation. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché ensuite d'enterrer le plan de Charles. Ah. Alors, que s'est-il passé ? Donald Rumsfeld, très opposé à l'éradication de la drogue, a fini par l'emporter. Contre Bush, par conséquent. Un épisode parmi d'autres qui prouve que Rumsfeld n'en fait qu'à sa tête et se conduit souvent comme s'il était le patron. J'ajoute, et ça va vous intéresser, que Khalil Zad a eu lui aussi un entretien avec George Bush et qu'il a vigoureusement plaidé contre le plan de Bobby Charles. La conséquence, c'est que les États-Unis se trouvent maintenant pris dans un véritable piège, face à des talibans toujours mieux armés qui n'hésitent plus à s'attaquer aux forces de la coalition. Coalition maintenant pilotée par l'OTAN, hein, il faut le préciser. C'est juste. Et franchement, les États-Unis seraient ravis, Rumsfeld l'a déjà dit publiquement en juillet dernier, que l'OTAN fasse le sale boulot à leur place. Ouais, c'est-à-dire mettre fin au trafic, quoi. Tout à fait ça. D'autant qu'ils ont fort à faire en Irak et même avec les intégristes afghans qui, lorsqu'ils n'affrontent pas directement les militaires de la coalition, perpètrent maintenant des attentats-suicides très meurtriers. Ouais, comme en Irak. Hein. Et il faut observer que ces groupes islamistes sont de mieux en mieux équipés. Ah bah oui, l'argent de la drogue. Naturellement. Mais... lorsque Washington a compris que l'argent de la drogue, justement, profitait aux talibans et à leurs alliés d'Al-Qaïda, n'était-il pas encore temps de faire machine arrière et de s'attaquer de façon radicale au trafic ? Non. Et d'abord parce que les Américains sont condamnés à soutenir Karzaï, sur qui ils comptent pour faire aboutir leur projet de gazoduc. Alors certes, il y a eu quelques tentatives. Ils ont par exemple sous-traité à une agence de sécurité privée l'arrachage manuel des cultures de pavots. Et 400 Afghans ont été engagés pour effectuer ce travail. Mais, à mon avis, c'était trop tard, tant le régime afghan est miné par la corruption engendrée par ce trafic. Trop tard aussi à cause de ce piège dont je vous ai parlé. Oui, un piège, vous ne m'avez pas expliqué. Là. S'opposer au trafic, c'est mécontenter les seigneurs de la guerre, dont les États-Unis ont besoin pour lutter contre la montée en puissance des talibans et des islamistes. Mais en ne se donnant pas les moyens d'éradiquer les cultures du pavot, il contribue à financer la guerre de ces talibans. D'autant que de plus en plus de seigneurs de la guerre, tels Hekmatyar et d'autres, se rapprochent progressivement de ces mêmes talibans. Hekmatyar, dont la tête vient d'ailleurs d'être mise à prix par les Américains. Ah, oui. Et si cela, ces seigneurs de la guerre se rapprochent des talibans, c'est pour ménager l'avenir. Et surtout, prendre des garanties si jamais les intégristes arrivaient à revenir au pouvoir, ou à tout le moins reconquérir des régions entières du pays. Après tout, beaucoup de ces chefs féodaux, à l'exception des Tadjiks et de certains Ouzbeks, s'accommodaient très bien de l'ordre instauré par les étudiants en religion. Et plusieurs d'entre eux verraient avec satisfaction les femmes retourner sans murer derrière leurs burqas grillagés, et aussi voir partir les croisés, c'est-à-dire tous ces soldats étrangers et mécréants qui polluent l'Afghanistan depuis quelques 5 ans. La conclusion, je l'emprunte à un article d'Olivier Weber récemment paru dans Le Point. La corruption, il est vrai, est endémique. Des centaines de milliers de dollars ont disparu des caisses de l'État, soit pour enrichir des ministres, soit pour acheter les fidélités de barons provinciaux aux puissantes milices. La spéculation immobilière est intense à Kaboul. Une villa peut se vendre à 500 000 ou 700 000 euros. Le ministre des Finances ne sait même pas comment dépenser le reste de l'aide, 1,7 milliard de dollars. Alors qu'il manque tant de routes, de ponts, d'hôpitaux, regrette Atik Rahimi, un réalisateur et écrivain afghan. La population en a marre de ces errements. Un terreau en tout cas idéal pour les sbires du mollah Omar, mais aussi pour les barons de la drogue. On peut en croiser certains dans les couloirs du Parlement. Élus en septembre au terme du scrutin organisé par l'ONU, qui a privilégié les candidats sans étiquette aux dépens des partis, maints trafiquants bénéficient désormais de l'immunité, tout comme les seigneurs de la guerre, au point qu'une séance à l'Assemblée ressemble souvent à une belle foire d'empoigne. Des commandants reconvertis, invectives d'autres barbus et regardent avec dédain les 25% de femmes élues. Outabas, un journaliste, elle, Omid Yaknadanish, qui filmait l'agression d'une députée, Malala Joya. Enfin, je voudrais vous recommander un autre livre très complet sur le sujet, « Les territoires de l'opium, conflits et trafics du triangle d'or et du croissant d'or » du géographe Pierre Arnaud Chouvy, publié en 2002 aux éditions Olizane.